Ben, possiblement que il y a de ces êtres-là qui sont aussi en chair et en os, là. Dans le sens que il y a peut-être que les extraterrestres sont parmi nous, si on peut dire, là, sans tomber comme les envahisseurs, là, David Vincent, là, qui passe pour un fou tout le long de bon, une vieille série de la fin des années 60. Mais ça exprime un certain danger, c'est-à-dire que si on accroche trop là-dessus, ben l'être humain il perd de la qualité de vie. Ça peut être dangereux. Il n'y a personne qui va être l'hurluberlu Non, non, c'est sûr que l'être salut. humain peut être fasciné par les extraterrestres, leur donne trop d'importance. Ben, surtout devenir paranoïaque. Oui. Puis donner un sens à. Parce que dans le fond, là, ça devrait devenir de plus en plus banal. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, bon, il y en a, ils sont témoins des phénomènes ufologiques, puis ça bouleverse leur vie. Alors qu'au fond, il est là le problème, ça devrait pas. Je veux dire, dès qu'on donne un sens à ça, qu'on donne de l'importance à ça, on perd de la force vitale, justement. C'est pas normal de consacrer 45 ans, soixantaine de sa vie à des affaires de même. Que finalement, les gens sont discrédités de toutes les façons parce que ça fait, on dirait que ça fait partie de la manipulation.